السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى قصة صلح الحديبية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإسلام والمسلمين بفتح عظيم، وهو اللطيف الخبير. إن شاء الله تعالى en cette soirée nous allons finir l'explication de la du pacte de Al-Hudaybiyah et de l'expédition de Al-Hudaybiyah. Cette histoire dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a grandement honoré l'islam et les musulmans. Et c'est celui qui connaît les choses cachées et leur finalité, subhanahu wa ta'ala. La semaine passée, nous avons vu que les croyants n'ont pas pu faire Al-Umrah, car les associateurs leur ont empêché l'accès à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc, sur l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, fait ce traité et ce pacte. Et beaucoup parmi les compagnons ont été très attristés des points de ce traité, car ils y voyaient comme une faiblesse pour les croyants. Ils y voyaient comme un rabaissement des musulmans devant les points cités dans ce pacte. Si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le savant et le sage de tout ce qu'il décrète et des causes qu'il met afin d'arriver à un noble résultat, en l'occurrence ici, Al-Fath. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de sacrifier leurs bêtes et de se raser la tête. Mais personne parmi eux n'a bougé de sa place. Une seconde fois, il a ordonné aux compagnons de sacrifier leurs bêtes et de se raser la tête. Mais à nouveau, ils n'ont pas bougé. Jusqu'à ce qu'il répéta cela à trois reprises. Il est donc entré chez Salama, radiallahu anha, son épouse, et lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait ordonné aux compagnons de se raser la tête, c'est-à-dire de sortir de leur état d'ihram. Na'am, de sortir de leur état d'ihram et de couper cette intention d'effectuer l'umrah. Mais que personne parmi les compagnons ne s'était exécuté. Alors Salama radiallahu anha, son épouse, après qu'il l'eut consulté, lui a dit, « Ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik ?» Elle lui a dit au prophète d'Allah, « Est-ce que tu aimerais qu'il s'exécute ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Elle lui a donc dit, « Qum fakhruj wa la tukallim ahadan » Elle lui a dit, « Sors, toi, et applique cela sans parler à qui que ce soit, et tu verras le résultat. » Radiallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son coiffeur et lui a dit de le raser. Et lorsque les compagnons ont vu cela, ils se sont succédés et se sont rasés mutuellement la tête. La plupart d'entre eux se sont rasés et peu parmi eux ont diminué leurs cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à trois reprises en faveur de ceux qui ont rasé leur tête en disant, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Alors des compagnons ont dit, walil muqassirin ya Rasulallah. Il a dit une seconde fois, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ils ont dit, walil muqassirin ya Rasulallah. Et jusqu'à là, après la troisième fois, il a dit, walil muqassirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc invoqué le pardon d'Allah à 3 reprises en faveur de ceux qui se rasent la tête, en faveur de ceux qui se rasent la tête à la fin de Al-Nusuk, à la fin de Al-Amrah, à la fin de Al-Amrah. Quant à ceux qui diminuent, il a invoqué en leur faveur une seule fois. Il a invoqué en leur faveur une seule fois. Et les compagnons se sont donc rasés. Ils se sont donc rasés la tête. Et dans le hadith, on nous dit, ils ont failli s'entretuer les uns les autres, tellement ils étaient attristés. Yani lorsqu'ils se rasaient, lorsque l'un rasait la tête de l'autre et que l'autre rasait la tête de l'autre, ils ont failli s'entretuer, c'est-à-dire avec la lame, ramman, yani par chagrin, tellement qu'ils étaient chagrinés de la situation, car ils n'ont pas pu concrétiser ce pourquoi ils s'étaient déplacés et ils avaient tant enduré, radiallahu anhum. Pourquoi est-ce que les compagnons, dans un premier temps, ne se sont pas exécutés aussi rapidement qu'on leur connaît? Et à leur habitude, ce qu'on connaît d'eux, radiallahu anhum, c'est l'istijaba. Wa sur'at al-istijabati li amrillahi wa rasulihi alayhi salatu wassalam. Ils sont très prompts à répondre à l'ordre d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Mais ici, on voit qu'à 3 reprises, on leur donne un ordre, malgré cela, ils ne se sont pas rasés la tête. Pourquoi cela? Car ils espéraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une autre issue. Ils espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam change d'avis. Ils espéraient que la révélation, par exemple, descende, et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se raser la tête, ils ont su que l'affaire était terminée. Ils ont su que l'affaire ne pouvait avoir d'autre finalité. Voici pourquoi ils ont tardé à se raser la tête. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala explique cela avec des paroles merveilleuses. Et il dit, الحامل على هذا حب الله ورسوله. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, الحامل على هذا, ce qui les a poussés à ne pas s'exécuter rapidement est حب الله, l'amour d'Allah, ورسوله, et de son messager, et le fait qu'ils ont détesté voir le kufr prendre le dessus sur l'iman. Ils ont détesté voir le kufr prendre le dessus sur l'iman. Et celui qui fut le plus obéissant et le plus assisté par Allah subhanahu wa ta'ala fut encore et toujours al-Siddiq ou al-Akbar, Abu Bakr ibn al-Siddiq radiallahu anhu. C'est un des rares qui, dans toutes ses phases, depuis le début, a toujours été prompt à l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam et a abandonné son affaire à Allah azza wa jal du début à la fin. Il n'a pas discuté un seul ordre du prophète alayhi salatu wassalam, même quand cela a été pour la plupart, si ce n'est pour l'ensemble, des choix étranges. On a vu lorsque Omar radiallahu anhu a repris le prophète alayhi salatu wassalam à plusieurs reprises, lui ainsi que d'autres parmi les compagnons. Où est-ce qu'il faut sacrifier la bête lorsque tu fais l'Umrah ou bien le Hajj? Où est-ce qu'il faut sacrifier la bête? Dans le territoire sacré, l'Haram, ou dans l'Hil, avant d'entrer dans le territoire sacré? Il faut sacrifier l'Hadi, l'offrande, dans l'Haram. Que veut dire l'Haram? Est-ce que ça veut dire le Masjid l'Haram? Non, le périmètre qui a été délimité, qui est le territoire sacré. Al-Haram, na'am, on peut l'utiliser pour Al-Masjid al-Haram et pour plus que cela. Et aussi pour plus que cela. Et c'est ce qui est voulu ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans le Coran de raser nos têtes jusqu'à ce que la bête atteigne sa destination, c'est-à-dire le haram. Mais ici, ils ont été empêchés d'avoir accès, on leur a empêché l'accès au haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ces bêtes et les a sacrifiées en dehors du haram. Ça, c'est un cas particulier car on leur a empêché l'accès au haram. Et la plupart des bêtes ont été sacrifiées de la sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu infliger une défaite plus profonde à Quraysh. Qu'a-t-il donc fait? Il a pris un chameau qui appartenait à Abu Jahl et qui faisait partie du butin de Ghazwat Badr. Et il avait un anneau en argent. Le prophète alayhi wa sallam l'a mis en apparence et l'a sacrifié pour Allah Azza wa Jalla afin d'infliger une défaite plus profonde à Quraysh lorsque ces derniers verront que le chameau d'un de leurs anciens chefs s'est fait ainsi sacrifier sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque chameau était sacrifié pour 7 d'entre eux. Donc tu peux t'associer jusqu'à 7 pour un chameau. Tu peux t'associer jusqu'à 7 sur un chameau. Alors qu'à la base, lorsque tu prends un mouton ou une chose semblable, ça vaut pour une personne. Ça vaut pour une personne. Et comme cela nous a été rapporté, dans le recueil de l'imam muslim, rahimahullah, chaque bête, était pour cette personne. Et dans le recueil de l'imam Ahmed, rahimahullah, ta'ala, on nous dit le nombre de ces bêtes. Sab'una badana. Ils ont sacrifié 70 bêtes en tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّ. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne son endroit, c'est-à-dire el-haram. C'est-à-dire el-haram. Mais on voit ici que c'est suite à l'empêchement qu'ils se sont comportés ainsi. Aussi Allah Azza wa Jal nous dit en Coran: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Allah Azza wa Jal nous cite cela de manière explicite quant à l'emplacement dans lequel doit être sacrifié al-hadi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Naam, ils vous ont empêché l'accès à la mosquée sacrée. وَالْهَدِيَ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ. Et on nous cite ici que les bêtes n'ont pas pu atteindre leur destination. Ils ont donc dû sacrifier fil hil, en dehors du périmètre sacré. Si ce n'est qu'une minorité a pu sacrifier fil haram. Une minorité a pu sacrifier fil haram. Comme dans le hadith de Najiyah ibn Jundub. Najiyah ibn Jundub, radiallahu anhu, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit: Ya Rasulallah, ib'ath ma'i. Il lui a dit: ô messager d'Allah, envoie des bêtes avec moi. Fa'ana anharuha fil haram. Afin que je les sacrifie dans le périmètre sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment feras-tu, wa kayf? Na'am. Il lui a dit: ana akhudhuha fi awdiyatin. Je vais les faire passer par des chemins et par des routes qui seront pour eux inaccessibles. C'est-à-dire qu'il était fin connaisseur des chemins et des endroits. Il allait donc emprunter un chemin non connu de la majorité avec des bêtes et il allait les sacrifier à l'intérieur du hil, du haram, du périmètre sacré. Et c'est ce qu'il fit, radiallahu anhu. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, fi sunanihi al-kubra. Plusieurs événements se sont produits après Sulh al-Hudaybiyah, lors de leur retour ou bien lorsqu'ils sont restés, sans que ne soit mentionné précisément le moment de ces événements. On compte parmi cela Nuzul al-Matar. On compte parmi ces événements Allah Azza wa Jal fit tomber la pluie. Et le prophète a saisi cette occasion pour enseigner aux sahaba la bonne croyance et pour épurer de leur cœur les mauvaises croyances et pour les éloigner et les mettre en garde contre les mauvaises croyances que certains parmi les associateurs avaient hérité de la période de la Jahiliyyah, avaient hérité de la période anti-islamique. Dans le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu, et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, il nous dit: Salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat al-subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présida pour nous la prière de l'aube. Ala ithri sama, suite à une pluie. As-sama, ce qui est voulu ici, c'est la pluie. Dans la langue arabe, as-sama, c'est tout ce qui est élevé. Et tout ce qui est élevé. Tu appelles le toit en arabe, as-sama. Tu appelles la pluie en arabe, as-sama, et ainsi de suite. Le ciel s'appelle pour cette cause-là, as-sama. Donc, al-Hudaybiyyah, suite à une pluie qu'il y a eu la nuit, ils ont prié un matin, ou à l'aube, salat al-fajr. Et donc la veille, il a plu. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont répondu: Allah et son messager sont plus savants. قال Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Certains parmi mes serviteurs, ou plutôt avant ça, Asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur la traduction des sens, ce matin, ou bien certains parmi mes serviteurs sont arrivés au matin en étant croyants. Et d'autres en étant non-croyants. Puis, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi. » Celui qui a dit, « Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, voici le croyant. » Voici le croyant. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, donc voici celui qui a cru en moi et qui a mécru aux étoiles ou à ses étapes. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. La suite du hadith: quant à celui qui a dit, il a plu par telle étoile, alors voici celui qui a mécru en moi et qui a eu foi aux étoiles. Voici celui qui a mécru en moi et qui a eu foi aux étoiles. Ce hadith, nous l'avons étudié par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans quel livre auparavant? Dans quel livre est-ce qu'on a étudié ce hadith? Kitab al-Tawhid. Jazakallahu khayr. Dans Kitab al-Tawhid. Ce hadith a été prononcé, a été cité après Sulh al-Hudaybiyyah. Après Sulh al-Hudaybiyyah. Regarde le lien entre Sirah et l'ensemble des sciences. Regarde le lien entre Sirah et l'ensemble des sciences. Dans Sira, tu trouveras l'aqida, tu trouveras al-tawhid, tu trouveras al-fiqh, tu trouveras al-tafsir, na'am, tu trouveras al-nahw, tu trouveras al-lughat al-arabiyya bi shakli na'am, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le qawa'id. Car Sira n'est autre quoi que l'étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner l'islam. Pour nous enseigner l'islam. Donc celui qui veut connaître l'aqida, al-fiqh, al-sunnah, et ainsi de suite, na'am, il trouvera tout cela dans al-sira. Il trouvera tout cela dans al-sira, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu cette mauvaise croyance. Car dans la période anti-islamique, il pensait que les étapes de la position de la lune et des étoiles avaient un lien avec la tombée de la pluie. Avaient un lien avec la tombée de la pluie. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam montre que le bienfait doit être affilié à son propriétaire qui n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la pluie est un des grands bienfaits d'Allah azza wa jal et un des grands signes de son unicité dans Rububiyya. Et donc un des grands signes qui nous montre qu'il est le seul à mériter l'adoration et le culte tout entier tabaraka wa ta'ala. Quel est le jugement de dire mutirna binaw'i kada wa kada? Quel est le jugement de dire « Il a plu par telle ou telle étoile ?» Je traduis par « étoile ». En réalité, « naou » c'est plus détaillé que cela. Il y a 26 ou 28 étapes par lesquelles passe la lune, c'est ce qu'on appelle « naou ». À la kulli hal, quel est le jugement de dire « Mutirna binaou ikada wa kada » Quant à la parole mutirna bi fadlillahi wa rahmati, hada tawhid. Wa shukrun lillahi azza wa jal. Wa aqidatun sahiha. Quant au fait de dire il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ça c'est du tawhid. Ça c'est une bonne croyance. Quel est le jugement maintenant de dire il a plu grâce à telle étoile? Quel est le jugement de cette parole? Indaman. C'est du shirk. Quelle sorte de shirk? Si la personne croit que les étoiles c'est une cause, c'est du shirk mineur. Si la personne dit mutirna binaw ikada dans le sens par la cause de telle étoile, mais que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la pluie, mais que la cause et leur position, mais que l'étoile et leur position sont des causes, dans ce cas-là c'est du shirk. Asghar. Dans ce cas-là, c'est du shirk asghar, du polythéisme mineur. Naam. Dans le cas où la personne a comme conviction que les étoiles eux-mêmes gèrent la tombée de la pluie, donnent la pluie indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa volonté, dans ce cas-là, c'est quelle forme de shirk? Quel type de shirk? C'est du shirk akbar et du kufr. Est-ce que c'est compris? Là, c'est du polythéisme majeur. Il a rendu ces créatures-là égales d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que le mutasarrif, le mudabbir wahdahu la sharika lah, qui est-ce? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il ordonne où il veut la pluie. Et elle tombe sur qui il veut et dans le champ de qui il le souhaite, tabaraka wa ta'ala. Et il retient ses faveurs pour qui il le veut, subhanahu. Donc si tu veux une chose, tu souhaites un bienfait, tu souhaites la pluie, ici ou dans ton pays, tu la demandes à Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et le fait qu'Allah azza wa jal soit le détenteur de la pluie, des grâces et des miséricordes, ça te pousse à ce que ton cœur se dirige uniquement vers lui. Et ne se dirige jamais vers la créature. Même lorsque tu l'utilises en tant que cause et que c'est une cause réelle, ton cœur lui se dirige que vers Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam ne manque pas une occasion d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre eux un shirk. Dans quel autre événement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi appelé au tawhid et mis en garde contre le shirk? Un événement semblable à celui-ci. Eux appellent ça tantôt catastrophe naturelle, tantôt la nature, tantôt... Nous, on dit ce qu'Allah Azza wa Jal fait. L'œuvre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Latif Al-Khabir, Al-Fa'al Lima Yurid. Dans quel autre hadith on trouve cette éducation? Qu'est-ce qu'il pense à un hadith? Lorsqu'il y a eu Ahsant Al-Khusuf, lorsqu'il y a eu Al-Khusuf, lorsqu'il y a eu une éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela ne se produit pas suite au décès d'une grande personne ou à la naissance d'une grande personne. D'accord? Mais c'est un signe d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis il nous a orienté à ce qu'il fallait faire. La prière et supplier Allah et demander pardon à Allah wa hakadha. Et il nous a enseigné comment faire la prière de l'éclipse. Qu'est-ce qui sait comment est-ce qu'on fait la prière de l'éclipse? Qu'est-ce qui sait comment est-ce qu'on fait la prière de l'éclipse? Attends, pour la semaine prochaine, cherchez comment est-ce qu'on fait la prière de l'éclipse. فَالدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَالِبُ الْعِلْمِ. Donc celui qui appelle à Allah, celui qui étudie la science, il doit saisir ses occasions lorsqu'il y a des événements, na'am, pour établir un lien entre le Créateur et sa créature. Il doit rappeler aux gens que ça, c'est l'œuvre d'Allah. Et qu'Allah le fait seul. Et que c'est donc le seul à mériter entièrement l'adoration. Jalla wa ala. Naam. Parmi les choses qui se sont également produites, c'est que suite à la pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté par Abu al-Malih عند ابن ماجه, l'imam al-Albani nous dit que ce hadith est authentique rahmatullahi alayhi. Il nous dit asabna yawm al-Hudaybiyah sama لم تبل أسفل نعالنا أو أصابنا سماء. Abu al-Malih nous dit, alors que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons été touchés par la pluie, sans pour autant que ça mouille le dessous de nos sandales. فنادى منادي رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne pour crier aux gens, sallu fi rihalikum, criez dans vos demeures, criez dans vos demeures. Dans quelle matière sommes-nous actuellement? Qu'est-ce qu'on étudie? As-sira. Tayyib. Cette mas'ala là est une mas'ala de quelle science? De fiqh. Donc, dans Sira, lorsque tu étudies, tu étudieras le fiqh. Tu étudieras le fiqh. Ici, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Une sunnah. Laquelle? Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Lorsqu'il pleut, et comme dit Ibn Athim rahimahullah ta'ala, que cette pluie atteint le fait que ça mouille tes vêtements, na'am, ou comme il a dit rahimahullah plus en détail, il t'est légiféré de ne pas venir à la mosquée et de prier chez toi. Et ça, c'est une facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée à la umma du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'on connaît tous les hadiths sur l'importance de la prière en groupe, puis de l'importance de la prière à la mosquée, na'am, et du danger, de la menace à l'égard de ceux qui ne prient pas au masjid. Malgré ça, ici le prophète alayhi salatu wassalam envoie une personne dire « Sallu fi rihalikum ». Donc, elle dit Laysa birra'i. La religion, c'est pas avec ton opinion personnelle. C'est avec qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. C'est avec l'istislam, c'est avec la soumission. Ne te dis pas, moi je suis fort, donc le mieux pour moi c'est de faire ça, ça. Un Sahaba était plus fort que toi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit ce qui plaît à Allah azza wa jalla. Donc le serviteur regarde les textes et il fait ce qu'on lui dit dans le Coran et la Sunna, comme lui ont enseigné les ulama. Une troisième chose qui s'est produite, c'est que Ka'b ibn Ujrah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu des poux dans la tête. Et vous savez tous qu'en état d'ihram, il y a ce qu'on appelle mahdourat al-ihram, des choses interdites tant que nous sommes en état d'ihram. Parmi lesquelles, ou parmi celles-ci, le fait de se couper les cheveux ou de se raser la tête. En état d'ihram, c'est interdit. N'est-ce pas? Ka'b ibn Ujrah a souffert de poux dans la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu ainsi souffrir. Il l'a vu ainsi souffrir. Alors il lui a dit, est-ce que tu souffres de cela? Et il lui a dit oui. Mais pourquoi il ne s'était pas coupé les cheveux? Car il était en état d'ihram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ihliq ra'sak. Ihliq ra'sak. Il lui a dit, rase-toi la tête, alors qu'il était en état d'ihram. Alors qu'il était en état d'ihram. Puis, le verset de l'fidya a été révélé. Puis, le verset de l'fidya a été révélé. C'est le verset 196 de Sourate al-Baqarah, si je ne me trompe pas. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Donc, ici, on nous enseigne Al-Fidya. Pour celui qui commet une chose qui transgresse un point ou plutôt Mahdurat al-Ihram. Qui transgresse une des choses parmi Mahdurat al-Ihram. Les choses interdites en état d'Ihram. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction, celui qui parmi vous est malade, ou qui a nuisance à la tête, qu'il s'acquitte d'une fidya. Al-fidya, c'est un dédommagement. Lequel, on nous dit ici, siyam, un jeûne, ou sadaqatin, ou une aumône, ou nusuk, une bête à sacrifier. Ou une bête à sacrifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sum thalathata ayyam. Il lui a dit, jeûne 3 jours. Ou tasaddaq, ou fait une aumône. Bigharaqin bayna sitta, ou fait une aumône et partage entre 6. Si la traduction est bonne ainsi, vous reviendrez à la traduction. Ou nusuk bimatayassa, ou sacrifie ce qui t'aura été facilité. Tu dois sacrifier une bête. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bayyana al-aya. Ici, le prophète alayhi wa sallam a explicité et expliqué ce verset. Ce qu'a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bayan al-mujmal ou al-tafsir, entre dans quelle matière? Ça entre dans quelle matière? Indaman. Qu'est-ce qui répond à cette question? Naam. Ça entre dans quelle matière? Ça entre dans usul al-fiqh. Ça entre dans usul al-fiqh. D'accord? Donc on voit que dans Sira, quelle est la faïda qu'on tire? Dans Sirah, tu étudies une multitude de matières. Dans Sirah, tu étudies une multitude de matières. Ce qu'a fait ici le prophète, c'est étudié dans les livres de Usul al-Fiqh. Naam. Un autre événement qui s'est passé au retour de Sulh al-Hudaybiyah, comme le rapporte Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, c'est qu'ils se sont arrêtés dans un endroit afin de se reposer et de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mayakla'una, qui est-ce qui va nous yani monter la garde et nous réveiller pour salat al-fajr? Faqala Bilal, ana ya Rasulallah. Bilal radiallahu anhu a dit: moi au messager d'Allah. Illa annahum namu jami'an hatta tala'at ash-shams. Hatta tala'at ash-shams. Wa kana awwalahum Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu fakabbar istayqadha wa kabbar. Bilal a dit: moi, si ce n'est qu'ils ont tous été emportés par le sommeil. Et parmi eux Bilal, et avec eux Bilal radiallahu anhu. Et ils ne se sont réveillés qu'une fois que le soleil a commencé à se lever. Donc, est-ce que c'est encore le temps du subh ou le temps du subh est sorti? Il est sorti. Il est sorti. Et un des premiers ou le premier à s'être réveillé est Omar. Et il s'est réveillé et il a dit Allahu Akbar. Puis les compagnons se sont réveillés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: changez d'endroit car ici il y a un shaytan. Changez d'endroit car ici il y a un shaytan. Ils ont fait le wudu. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit: faites comme vous faites habituellement. Ils ont donc fait l'adhan. Ils ont prié sunnat al-subh. Ils ont fait l'iqama et ils ont prié en groupe salat al-fajr. Ils ont prié en groupe salat al-fajr. Ici, ces masa'il-là sont étudiés dans quelle matière? Hein? Al-fiqh. Al-fiqh. Celui qui se réveille en dehors du temps d'une salat, quel est son jugement et que doit-il faire? Et est-ce qu'il commence par sunnat al-subh ou il prie le subh directement? Est-ce qu'il fait l'adhan ou non? Est-ce qu'il fait l'adhan et l'iqama ou non? Ici, en sira, tu vois toutes ces masailles. Donc celui qui fait les causes, et malgré ça, il ne se réveille pas, et il ne prie pas dans le temps. Soit il a été battu par le sommeil, soit il a oublié. Dans ces cas-là, il est excusé. Dans ces cas-là, il est excusé s'il a fait les causes. S'il a fait les causes. Deuxièmement, ce que les savants tirent de cela, c'est que tu fais la même chose qu'habituellement. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, tu commences par sunnat al-subh. Tu fais l'adhan, tu fais sunnat al-subh. Tu fais l'iqama, tu fais salat al-fajr. Et si vous êtes en groupe, vous priez en groupe. Si vous êtes en groupe, vous priez en groupe. Un autre événement, Nazalat Suratul Fath. Un autre événement, Suratul Fath, a été révélé. Dans lequel l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Omar ibn Khattab nous dit qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé une question. فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سأله ثم أعادها أو أعاده ثانية. Puis Omar al-Khattab lui a reposé une question ou la même question et le prophète صلى الله عليه وسلم ne lui a pas répondu. Puis il lui a posé une troisième fois la question et le prophète صلى الله عليه وسلم ne lui a pas répondu. Alors Omar al-Khattab a dit en s'adressant à sa propre personne: Sakilat ka ummuka ya Omar, que ta mère te perde, ô Omar. Nazarta Rasulallah ay dayaqta alayhi thalath marrat wa kullu dhalik la yujibuk. Donc Omar al-Khattab s'est réprimandé lui-même, il s'est blâmé lui-même en se disant que ta mère te perde. À trois reprises, tu as mis dans la gêne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans tous ces cas-là, il ne t'a pas répondu. فَحَرَّكْتُ بَعِيرِ وَتَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ. Donc il a pris sa monture et il s'est déplacé. فَخَشِيتُ أَيَنْزِلَ فِي أَمْرِي وَحْيُمْ. Il a dit, j'ai eu peur que ne soit révélée à mon sujet la révélation d'Allah et du Coran. Peu de temps après, une personne a crié et m'a appelé. J'ai donc eu peur que n'eût été révélé à mon sujet du Coran. C'est-à-dire, il se voyait comme ayant mal agi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il a insisté. Pour, à son goût, il avait trop insisté. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam ne l'a pas blâmé. Bien au contraire, il lui a annoncé une grande nouvelle. Et il lui a dit, « Laqad unzila alayya layla. Laqad unzila alayya layla surah. La hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayya ash-shams. » Quelle est cette sourate? Inna fatahna laka fatham mubina. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, laqad unzila alayya, il m'a été révélé suratun, une surah, la hiya ahabbu ilayya, elle m'est préférable, mimma tala'at alayya ash-shams, alayya ash-shams, elle m'est plus aimée que tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire, elle m'est plus aimée que tout ce qu'il y a sur ce bas monde. Puis il lui a récité le début de suratul fath. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sallallahu alayhi wa sallam. Une mas'ala que citent les savants, et nous l'avons étudié dans l'explication de l'aqidatul wasfiyya, Allah Azza wa Jal nous maintient en vie afin de l'étudier ensemble. Qu'est-ce qui est voulu ici par Al-Fath? Qu'est-ce qui est appelé Al-Fath? C'est quoi Al-Fath lorsqu'on entend Al-Fath? L'ouverture. L'ouverture de quoi? De la Mecque. Non, Fath Mecca, c'est l'ouverture de la Mecque. Et ici, qu'est-ce qui est voulu ici? Les gens pensent qu'Al-Fath, c'est Fath Mecca. Et c'est un avis et c'est une parole qui est citée. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, un des savants chez Sahaba, a dit, en s'adressant à des gens, innakum ta'udduna al-fatha fatha Makkah, wa inna, c'est-à-dire nous les compagnons, kunna na'udduhu sulh al-Hudaybiyya. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit aux gens, vous considérez-vous que le fatha, c'est l'ouverture de la Mecque. Quant à nous, c'est-à-dire les compagnons, on considérait que le fait, c'était Sulh al-Hudaybiyya. Sulh al-Hudaybiyya, c'est ça la grande ouverture. Pourquoi? Après Sulh, il y a eu le pacte de non-agression. Pendant 10 ans, la guerre a été interrompue. Donc l'islam a pu être exposé aux gens. Et les prêcheurs et les prédicateurs ont pu transmettre l'islam. Et ceux qui cachaient leur islam ont pu le montrer. Et ceux qui connaissaient le Coran ou du Coran ont pu le lire et l'enseigner sans craindre pour leur vie. Contrairement à l'époque, Mekwaz. Donc beaucoup de gens sont entrés en islam. À Sulh al-Hudaybiyya, ils étaient combien? Environ 1400, n'est-ce pas? À l'ouverture de la Mecque, ils étaient environ 10 000. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve que dans cette petite période, environ 2 ans, énormément de croyants sont entrés dans l'islam. Ou plutôt, énormément de monde sont entrés dans l'islam. Ils étaient 1400 à Sulh al-Hudaybiyya, Et quand ils sont venus ouvrir la Mecque, ils étaient 10 000. Ils étaient environ 10 000. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte la parole de Anas ibn Malik lorsqu'il a récité inna fatahna laka fathan mubina, il a dit al-Hudaybiyah. Il a dit al-Hudaybiyah. Donc chez les sahaba radiyallahu anhum, al-Hudaybiyah, al-Fath était sulh al-Hudaybiyah. Donc subhanallah, comment est-ce qu'Allah azza wa jal met des causes pour l'ouverture de ses barakat et de ses rahamat. En apparence, il y avait dans ça un mal. En apparence, c'était un rabaissement. Les compagnons ont vu dans ça un rabaissement. فَلِمَاذَا مَاذَا نُعْتِي الذِّلَّةِ. Pourquoi est-ce qu'on s'humilie? Comme a dit Omar al-Khattab, ils ont vu au premier abord, au premier regard, qu'il y avait dans cela une faiblesse. Mais nous n'avons qu'à nous soumettre à Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il nous ordonne et on trouvera toujours le bien. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable dans toutes ses affaires. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Et qu'Allah te donne un puissant secours. À un de ces passages, les sahaba ont dit وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et pour nous, il y a quoi au messager d'Allah? Parce que ces versets concernent qui? Ils concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla l'a comblé de ce grand bienfait. Et il lui a effacé tout ce qui est passé et tout ce qui est à venir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé li yudkhil al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahti al anhar khalidina fiha ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits, cela est auprès d'Allah un énorme succès. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des versets dans lesquels il y a de grandes récompenses et de grandes promesses pour les croyants. Quelle fut la finalité de ce al-Hudaybiyah? Une élévation pour l'islam et pour les croyants. Une élévation pour l'islam et pour les croyants. Et ce fut la première fois que Quraysh accordait considération à l'islam et aux musulmans. Ils leur ont parlé d'égal à égal, alors qu'auparavant, ils les méprisaient, ils ne les considéraient pas. Mais là, ils ont traité avec eux, ils ont fait un pacte avec eux, ils ont dialogué avec eux, ils ont débattu avec eux, et cela fut un tournant. Cela fut un tournant dans l'islam. Deuxièmement, Quraysh a perdu en crédit et en renommée dans la péninsule arabique. Et les gens ont commencé à considérer le prophète, alayhi salatu wassalam, et sa puissance. Et sa puissance et la puissance de sa communauté. Et on a vu que lorsqu'ils ont donné le choix aux tribus de choisir avec qui elles voulaient aller ou entrer sous la main de qui, Khuza'a, rapidement, immédiatement, ont choisi d'aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, se sont convertis à l'islam, ou parmi les grands de Quraysh, parmi les grands de Quraysh, certains sont entrés en islam. Peu de temps après sulh al-Hudaybiyah, avant l'ouverture de la Mecque. Qui par exemple? Parmi les grands de Quraysh, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Et qui te dira qui est Khalid ibn Walid, radiallahu anhu? Celui qui a participé à près de 100 batailles. Et il n'en a jamais perdu une. Hein? Il a participé à près de 100 batailles, radiallahu anhu, avant son islam et pendant son islam. Et il n'en a jamais perdu. Pourtant, il est décédé où? Hein? Dans son lit. Il a dit, il n'y a pas un endroit de mon corps sans qu'il y ait une marque. Et voici que je décède sur mon lit. Na'am, radiallahu anhu. C'était un des hommes les plus intelligents. Une personne forte et pieuse et juste qui était jaloux pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré toutes ces guerres, il n'opprimait pas, il était juste. Radiallahu anhu. Qui d'autre? Un des grands émissaires de Quraysh, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Wa sahabi, Abu Sahabi. C'est un sahabi et son fils également est un sahabi. Qui est son fils? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Naam. Donc certains parmi les grands de Quraysh sont entrés en l'islam suite à cela. Sulh al-Hudaybiyah a permis de montrer la place des sahaba et la place du prophète alayhi salatu wassalam dans sa communauté. Car tous les émissaires qui ont été envoyés de Quraysh ont vu comment se sont comportés sahaba avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne crachaient pas sans que son crachat n'atteigne la main de l'un parmi eux. Et ils s'essuyaient avec, en recherchant la baraka, la bénédiction. Il ne disait pas une chose sans qu'on lui obéisse, une interdiction sans qu'on la délaisse. Ils ont vu comment est-ce que Sahaba a considéré le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont partis chez Rome, chez les Perses, chez les Romains. Ils n'ont jamais vu le comportement de personne avec leurs dirigeants dans ce qu'ils ont trouvé chez As-Sahaba radiallahu anhu. Ce sont donc les meilleurs des hommes pour le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les fawaïd de Sulh al-Hudaybiyah, il y a également le fait que les croyants ont pu propager l'islam. Donc parmi les biens faits du âme de la sécurité, c'est Nashruddin, le fait de pouvoir propager la vérité et l'islam. Parmi les choses qu'on tire de Sulh al-Hudaybiyah ou de Razwat al-Hudaybiyah, il y a Mashru'iyatu Salat al-Khawf. Le caractère légiféré de la prière de la peur. Naam. L'imam fait la salat. Des gens se mettent en rang derrière lui. Et le reste du groupe n'entre pas directement dans la prière, mais porte les armes et monte la garde. Et ils se mettent en direction de l'ennemi. Si l'ennemi est en face de l'imam, ils se mettront devant. Si l'ennemi est derrière, ils se mettront derrière. Sur le côté, ils se mettront sur le côté. Ils font la moitié, puis ils échangent. Naam, puis ils échangent. Ceux qui faisaient salat vont monter la garde, et ceux qui montaient la garde viennent avec l'imam. Quant à l'imam, lui, il prie l'entièreté de la salat. On a également tiré de Sulh al-Hudaybiyah, de Razwat al-Hudaybiyah, plusieurs ahkam relatifs au hajj et à la umrah. Plusieurs ahkam relatifs au hajj et à la umrah. Aussi la permission de faire des traités avec des pays non musulmans. Aussi des règles relatives au mariage. Et qui est-ce que le musulman a le droit d'épouser? Et qui est-ce qu'il n'a pas le droit d'épouser? Et beaucoup d'autres leçons que les savants ont cité dans Sulh al-Hudaybiyah. Après Sulh al-Hudaybiyah, il y a eu quelques événements avant Ghazwat Khaybar ou avant l'ouverture de Khaybar, notamment Ghazwat Dhi Qarad. Ghazwat Dhi Qarad. Et Dhi Qarad, c'est l'endroit d'un c'est le nom d'un endroit où il y avait des coins d'eau. Et c'est à deux nuits de Médine. C'est éloigné de deux nuits de Médine. Et il fut dit une autre version, ou un autre avis, c'est que c'est le nom de montagne noire. C'est le nom d'une montagne noire qui se trouve à environ 40 ou 35 kilomètres de Al-Madinah. Quant à Dhuqarad, cette appellation est venue dans Sahih al-Bukhari. Cette appellation est venue dans Sahih al-Bukhari. فَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرْعَى فِي بِيقَرَدْ أَوْ بِيقَرَدْ. Donc les bêtes et ce que possédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait au pâturage à Dhuqarad. Cette expédition est aussi appelée Ghazwatul Ghaba. Elle s'appelle Ghazwatul Dhuqarad et aussi Ghazwatul Ghaba. C'est un endroit proche de Al-Madinah. C'est l'endroit où on conservait les richesses du prophète alayhi salatu wassalam et leurs troupeaux, et les troupeaux de gens d'Al-Madinah. Que s'est-il passé? Donc cela a eu lieu entre Ghazwatul Hudaybiyah et Khayba, selon l'avis prépondérant des savants. Sinon, la plupart parmi les érudits de la Sira disent que Ghazwatul Dhuqarad a eu lieu avant Sulh al-Hudaybiyah. La plupart d'entre eux disent qu'elle a eu lieu avant Sulh al-Hudaybiyah. Ils disent en l'an 6, dans le mois de Rabi' al-Awwal. Alors que Sulh al-Hudaybiyah a eu lieu en l'an 6, dans quel mois? Dhul-Qi'da. Sulh al-Hudaybiyah a eu lieu en l'an 6, dans le mois de Dhul-Qi'da. Si ce n'est que dans le hadith de Salamah ibn al-Aqwa, qui est dans le Bukhari et Muslim, ou bien on en parle dans le Bukhari, la version longue dans les recueils de l'imam Muslim, on nous cite très clairement qu'elle a eu lieu après Sulh al-Hudaybiyah et avant Khaybar. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lui-même, a mis un titre dans son sahih, Bab Ghazwatu Dhat Qarad. وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارَ عَلَى لِقَاحِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ خَيْبَرْ بِثَلَاثِ. Trois jours avant Khaybar. Et l'imam al-Bayhaqi fi dala'il nubuwah, rahimahullah ta'ala, a dit il n'y a aucun doute qu'elle a eu lieu après Sulh al-Hudaybiyah, comme dans le hadith de Salamah ibn al-Aqwa'. Salamah ibn al-Aqwa', notez ce nom et retenez-le. C'est l'homme fort de cette bataille, Salamah ibn al-Aqwa'. Il avait comme particularité, subhanallah, de pouvoir à pied, rattraper un cheval. Vous avez compris? À pied, il arrivait à rattraper les chevaux. Et à pied, il arrivait à courir et à suivre des gens à cheval du matin au soir. Et il arrivait à courir et laisser derrière lui des montures jusqu'à ne plus en voir la poussière. Lui a pillé les autres, yani cavaliers sur leur monture, il courait, il les laissait derrière au point de ne plus voir leur poussière. Radiallahu anhu. Et il était connu pour être l'un des plus courageux et des plus forts parmi Sahaba radiallahu anhu. Et on l'a cité la première fois dans Sulh al-Hudaybiyah. C'est celui qui a prêta allégeance parmi les premiers au prophète alayhi salatu wassalam. Il a même répété al-bay'a à trois reprises. Radiallahu anhu. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, nous raconte ce hadith, et l'imam Muslim également, On va lire et résumer ce hadith. Il reste combien de temps avant l'adhan? Tayyib. Salamat ibn al-Aqwa radiallahu anhu nous dit: je suis sorti de Medina en direction de l'Rabah jusqu'à atteindre un endroit et j'étais avec le cheval de Talha. Donc il l'abreuvait et s'occupait de lui. Arrivé au matin, il y a eu Abdurrahman al-Fizari, donc un des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, qui est venu en périphérie de Medina et il a volé lui et d'autres les richesses du prophète alayhi salatu wassalam avant de prendre la fuite. Il a rencontré ce jeune homme et lui a dit que se passe-t-il. Il lui a raconté. Alors Salamat ibn al-Aqwa radiallahu anhu a donné le cheval de Talha à ce jeune homme et il lui a dit: va avertir les autres. Quant à lui, il est monté sur une petite montagne et il a crié wa sabaha à trois reprises. C'est la parole que tu dis lorsque l'ennemi arrive pour la guerre, lorsque tu cries à l'aide. Naam, et wa sabaha, sabah, c'est le matin. Et c'était l'expression commune, car en général l'ennemi vient le matin pour avoir les gens par surprise, pour prendre les gens par surprise.